La vengeance de Jim Hoxton, scène de la vie californienne, par John Haberton. Chapitre 1er. Encore une de tes plaisanteries, Ephraim? Pas du tout, je t'assure. Il est amoureux d'elle, si amoureux qu'il a quitté la ville afin de ne pas voir celui que Millie lui préfère. Tant pis. Je comptais qu'il finirait par se marier avec une de nos nièces. J'avoue que cela m'étonne. Il n'y a pas de quoi, franchement. Mais si tu t'étonnes de tout, tu as une excuse. Tu n'es jamais sortie de ton trou, ma chère, tandis que moi, j'ai vu et entendu de si drôles de choses dans mes voyages que rien ne me surprend. On croirait vraiment que tu as fait le tour du monde? Dame, je ne suis pas toujours resté enterré dans notre petite ville. Qui te dit le contraire? Pourtant, si Crinquette est une petite ville, les aventures n'y ont pas toujours manqué. Nous avons eu cette terrible affaire de la veuve Capin et le naufrage du Neptune et... Bon, la mer... « Ne nous querellons pas pour si peu !» interrompit Ephraim, qui se remit à polir avec un morceau de verre le manche neuf de sa cognée, pendant que sa femme agitait une batte à beurre, comme si elle eût voulu se venger de l'insulte faite à la bonne ville de Crinquette. Bien que le vieux marguillier Ephraim, descendant direct du fondateur de la ville, ne s'occupât plus que de fermage depuis une trentaine d'années, il pouvait en effet se vanter d'avoir mené une existence moins casanière que la plupart de ses concitoyens. Il avait visité des pêcheries lointaines, harponné des cachalots dans les mers du Nord, accompagné une cargaison de blé jusqu'à la Méditerranée et servi comme timonier à bord d'un navire chargé de ramener de divers ports païens de l'Asie un fret hétérogène. Il se flattait d'avoir amassé, chemin faisant, beaucoup d'idées neuves et racontait volontiers ses impressions. Madame Crinquette se montrait fière de son mari lorsqu'il écrasait les voisins sous le poids de son expérience. Mais dès qu'il s'avisait d'afficher des airs de supériorité dans le tête-à-tête, c'était une autre histoire. « En tout cas, » reprit-elle en soulevant le couvercle de sa baratte pour voir si la crème prenait la consistance voulue, « cela m'agace. Jim Hoxton passe pour un garçon d'une piété exemplaire et je soupçonne Millie d'avoir oublié depuis longtemps son catéchisme. » Quant au père de Millie, c'est un libre-penseur, je l'exècre. Doucement, dit Ephraim d'un ton de remontrance. Libre-penseur ou non, il a l'amour du prochain. Dimanche dernier, tu as regardé ses roses d'un œil de convoitise en te rendant au temple. Ne s'est-il pas dépêché d'en récolter une demi-douzaine pour te les offrir? Oui, et que tenait-il dans l'autre main? Le Boston Post, qui n'est pas un journal religieux. D'ailleurs, Millie n'est pas un nom de baptême chrétien. Elle a un assez joli visage et de beaux cheveux, s'ils sont à elle. Voilà tout ce qu'on peut dire en sa faveur. Elle ne vient jamais aux réunions de charité, et samedi, elle s'est promenée en canot avec cet individu de New York au lieu d'assister à la conférence évangélique. Ça ne l'empêche pas de soutenir la famille de Sam Lathrop depuis que la barque de Sam a échoué sur la côte. Je te reconnais là, Ephraim. Tu as beau être marguillier, tu prends toujours la défense des pêcheurs. Allons, répliqua le marguillier, ne te fâche pas. Cet individu de New York, ainsi que tu appelles Monsieur Brown, est son fiancé. Jim ne court donc aucun danger, et je souhaite que Millie ne perde pas au change, car je ne lui veux que du bien. Je n'en dirai pas autant, riposta Madame Crinquette, qui donna une si vigoureuse impulsion à sa batte que la crème vola jusqu'au haut de la baratte. J'espère que le monsieur de New York tournera mal. Certainement Jim est trop bon pour elle, mais elle aura au moins pu choisir un mari parmi les gens du pays. Le marguillier avait assez voyagé pour reconnaître les signes précurseurs d'un long orage, et il était trop sage pour ne pas fuir devant la tempête quand la fuite semblait possible. Il se disposa donc à transporter ailleurs son morceau de verre et le manche de sa cognée. Il gagnait la porte lorsqu'elle s'ouvrit soudain. Une visiteuse entra avec une telle impétuosité que l'arme peu offensive que tenait le marguillier s'enfonça entre les côtes de la dame qui s'affaissa sur le sol où l'on ne vit plus qu'une masse couverte de calicot rose fané et d'un châle aux nuances plus sombres. « Miss Pekin !» s'écria Madame Crinquette qui lâcha la batte à beurre. « Oui, Miss Pekin !» répliqua la visiteuse qui se releva avec beaucoup de prestesse, vu son âge. J'aurais mieux fait de ne pas me déranger, car je pense que vous savez déjà la grande nouvelle, ajouta-t-elle en lançant au manche de la cognée un regard qui l'aurait réduit en cendres si le bois eût été moins vert. Quelle nouvelle? Demanda Madame Crinquette, qui s'empressa d'offrir un siège à la vieille demoiselle, pendant qu'Ephraim, très curieux en dépit de ses voyages, renonçait à battre en retraite. Il est parti, répliqua Miss Pekin. Personne dans la ville n'ignore que Jim est parti pour la Californie. interrompit la visiteuse. « C'est là de l'histoire ancienne. Je parle de Brown, l'amoureux de Millie Botane. Pas possible. »« Je suis bien renseigné, ma chère. Vous ne devineriez jamais la fin. Aussi, je ne veux pas vous faire languir. Deux agents de police qui sont à sa poursuite viennent d'arriver. Mais il aura sans doute été prévenu. On a trouvé sa chambre vide et son canot démarré. Il avait de bonnes raisons pour se sauver. » J'ai lu de mes propres yeux l'avis où l'on offre une récompense à qui livrera le nommé Ethelbert Brown. Quel crime a-t-il donc commis ? Demanda le marguillier. Il a détourné 25 000 $ de la caisse de ses patrons. Son signalement est imprimé dans l'avis avec autant de détails que s'il s'agissait d'un étalon pur sang. Pauvre garçon, je le plains. Je n'aurais pas cru cela de lui, dit Ephraim, auquel cette interruption valut un regard indigné de la part de Miss Pekin, qui continua. Il paraît que Millie, loin de baisser la tête, déclare qu'elle l'épousera quand même s'il se décide à revenir. Je suis sûr qu'il ne sera pas assez sot pour s'exposer à être pris. Comprenez-vous que Millie, qui est si fière, songe encore à épouser ce Brown, puisqu'il a tout perdu à la bourse ? Brave fille, je la plains, dit à son tour Madame Crinket en s'essuyant un œil avec le bout de son tablier. Le marguillier laissa tomber le manche de sa cognée et embrassa sa femme sur les deux yeux.